Du 1er au 17 octobre, pendant les 15 jours pour vous chez Club Bouygues Télécom, il y a 50% de remise immédiate sur une sélection de mobiles. Mais laissons Sébastien, manager, vous en dire davantage. Oui, pour vous, le Sony Ericsson Xperia X10 et son grand écran tactile est à 69€ au lieu de 149. Ah oui, c'est une affaire. Alors venez vite le tester dans l'un de vos 610 magasins Club Bouygues Télécom. Pour toute première souscription d'un forfait Néo 3, 3€ plus, engagement 12 mois minimum. Conditions et liste des mobiles en magasin, liste des magasins sur bouyguestelecom.fr.